Machando. Oh, 9 000 $. Thank you.

Bye. libela aya ya nima aya ya kala batala konsene mamala teni bana diketi mina kala batala libela libela aya ya nima aya ya tangu dibele ipokota na mamona tangu dibele maike tambo na mamona mabile zanga duge tulu yaye Dada Giovanna Gelson. Oh, Applaudissez pour Maggie, s'il vous plaît. Yeah. Hey, hey baby. Bash. Saint Ogi Lumba. Léon Wangwata, Impératrice Divine Moleka. Bardozo Mwamba, le Bilguet. Juju Mwanga, Serge Tiangani. LC Nika Fonzi, José Santos, PDG Alexis KM. Médard Moussodia, Image et Musique. Spadjar Alain Delon. Bye. Général Dabira au GM16. Richard Kabala, Joka Bokika, Les Éléments. Sanda. Ma couche, maître le Mabé, et Gabé Makumba, lourd Guapa, septième bagarre. Gabi flamboyant. Vieux Nelson, papa na Sharon Soma. Joe Malanga et Mekasta. Barra. Sanda, ABC Ogi Lumba, Léon Gwangwata, Impératrice Divine Moleka, Bardozo Mwamba le Bilguette, Djoudjou Mwanga Serge Tiangani. LC Nika Fonzi, José Santos, PDG Alexis KM. Médard Moussodia, Image et Musique, Spadjar Alain Delon. Tudo

Wambas, Gabi Flamboyant. Nelson, papa na Sharon Nelson. Joe Malanga et Mekasta. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah, mama.

mandali na serre. Yeah. Center. Lebisa, Oh, bona sika akobaniro kocheni nandalo kolo anazoma yuzoma wana bulangani yaye soma yuzoma wana bulangani yaye abona vudu dudu ya masanga buna penso wana yebunile ya aya aya aya aya boîte Zamunda. Bye. vous voulez danser l'opéla? Sylvain, tu t'es fou. Voulez-vous vraiment danser l'opéla? Jean Malou, Pessa mon Congo, Tanda Biloko. Fote kozala ya naniko Fote koza la yanani, sege minyo. Fote koza la yanani, kunda base. Fote koza la yanani, prof ki bense. Fote koza la yanani ko. Fote koza la yanani, tutu luboya. Fote koza la yanani ko. Fote koza la yanani. Fote koza la yanani ko. Didier Masséna en photo. On le rend des jockeys au Congo. Deux fois c'est. Oh, jockey au Congo. J'ai le grand plaisir de revoir mon ami, mon frère ami, Didier Masséna. Le plaisir est pour moi, comme on a évoqué Mayotte à la Bisson à Saint-Valentin. Fote koza la yanani, Didier Masséna. Fote koza la yanani ko. Y'a Michel. Y'a Michel. Y'a Michel. Y'a un amour. Fote koza la yanani ko. Fote koza la yanani, seke ni kabungu. Aeli susu titi bolato. Alain Misa Misagi, Alain Matembele, Claude Pires, Wakunywa Bajinadi, Dade Mpoko Masaya, Papito Mala, le roi des Amunda. Allez, ça va la parole, yo, choisis ma tata. C'est bon, Madame Fonda, c'est bon, Madame Fonda. C'est bon, Olivier Ndoudi, Papingana, Akota. Allez, ça va la caboué, Claude Kimbembe, ça va la caboué, Chine, Barcelone. Allez, JP, Oumo, Coco. Alexika Embe, José Santos, Kindoki Bimbi Shola Simulu Alain Danda, Balingi Baboma, Mami Mula Balingi Baboma, José Dio Wakindoki, Bili Lokolo, Sondra Ali Mame, Amayele Yampo Kazole, Yazofo Lamo Pepe, Toti Peli Bango, Kindoki Anisem Masakala, Nanda Santos. Santi Bele Galimare. Claude Mutoba. Santi Bele Galimare. Lika Bobine. Kune. Nasa Kubanga. Lika Bobine. Kune. Nasa Kubanga. Lika Bobine. Kune. Nasa Kubanga. Le procureur Joe Mulongo. Kibosha Mulongo. Tejes, Dario Mulongo. Jolaske Bolinge Bunda Tomotoka. Bunda. Astro. Andre Bologna Olinge Bunda Tomotoka. Bunda. Fone Similai, Kobo Kobo, Papa Sasami. Lesis Kumaf. Dani Banzali da Kansasanda. Sigilu yeye. Tata Uzungu Serge Toto Sally Joe Y'a Michel Kabea Kabea Wetu Y'a Zézé, Zebra Force Maître Cham Chamala Maître Alain Balaka Les Jokers du Barreau Maître Achille Kabongo Sans formule lingui, patient chama que j'azali herbivore. Est-ce que na mousouni na kozala la préférée qui ibibo? Na zeli yo Hortense qui t'emmène. Kokolo fedu boussa noriben. Jeff Ngoïsi qui louye. Poli lunge manika ninda. On dieu de mista na yo babi paka fifi chi yamba sheda tamwe. Na sambri ya tempo na naibike na krakayoi Persi sia sia, gile nseka Atena ninze telikolo ya mabanga Johnny Lopez Atopa kiwa benicho zane kieta joka sanji Deoktalo amie kwa zange sika kote misisa Falsuka yembe, bibishi ilula Ome nina iwa, ange matoguru Ange matoguru Serge Mouboulaye